kitoko Toki olingi la rumba Tuna kaba rumba nela Patongi paini sepanda Rumba ya ba rumba nela Nyeningi silelo awa Kisa la rumba nela Appelle Mariola Oh, et ma bolero C'est la rumba, n'est la bande oh, et mambo, mambo Mambo, mambo, melodia Oh, et ma bolero C'est la rumba, n'est la bande C'est la rumba, n'est la bande.